sors sur la détente. Je me réveille, c'est en soir suffocante. Un rêve de plus qui me hante. Cette mise en bière revient sans peine, mais jamais trop saine. Pourtant je l'aime, je crois. Je le transperce sans effort. Je suis comme une picador. Aussitôt je me réveille incolore. Un fantasme qui s'endort. Cette mise en bière revient sans peine. Et j'aime être en scène. Même inhumaine. Cette mise en scène me rend souveraine. Me fait frissonner. Pourtant je l'aime, je crois. Je l'étouffe, satisfaite et sans esbrouf. Je reprends toutes mes affaires efficaces. Je ne laisse aucune trace. Le réveil sonne et je m'étonne. Des rêves d'automne qui me chiffonnent. Tout celui, tout près de lui. A tué la nuit, enlever la vie. Prendre son âme. Sinon je passe en autodidacte du crime adéquat.